suis le rocher où tu vends tout ton coquillage. Un reflet dans les miroirs vides. Je suis le mur où tu accroches des regards. Des peintures et des souvenirs. Je suis l'écho de ta voix, une vague dans le vague d'un vieux pays flou. Je suis le coffre qui garde tes secrets. Un voilier qui te fait voyager. Je suis le four qui parfume ton salon. Une voiture qui t'emmène. Je suis l'écho de ta voix, une vague dans le vague d'un vieux pays flou. Je suis le rocher où tu vends tous ton coquillage. Un étranger au bord du lit.